Dossier 6. Livre page 78. Question A. 1. Elle avait 6 ans quand elle a mis en marche la machine à laver. 2. La mère est allée au marché pour acheter des haricots. 3. Les clés, vous les avez prises? 4. Les étudiants sont allés au stade.